réconcilié jodia. Chouchou mouin, retourné à ou jodia. Ça t'est passé, nous a pas de rêver jusque là. Tout le monde connaît, mais qu'on est fâché. Jésus-Christ t'est pardonné. C'est pas entre nous, vous baguez pardon. Propre sa mine d'après, je suis parce que je suis divisé. Ça montrait, il n'y a pas de chambre, mais là, t'abandonnes nous. Ça t'est passé, on te voit non pas de guerre, remède. Pour bien avoir réconcilié, tout le monde va voir. N'a plié pour ça qui passait, chéri. On te réconcilié. Le monde remède pas de guerre, rancune. C'est pas entre nous pour battre pardon. passé, chérie. Pour nous réconcilier. Le deux mondes rêvent pas gagner rancune. C'est pour rien qu'on prend là. Si me dégué tête faible, chérie, ou t'as perdu moins. Ça t'a qu'est arrivé. On va le macho bien qui t'a plagué moins. Et toujours faire confiance. Si bon Dieu t'a pardonné toutes mes chances. Chérie, ouais, pardonné. C'est pas entre nous pour pas rien, pardon. Chérie, ouais, pardonné.